quotidienne. Chacun de nous a sa référence. Maman. Une idole ou un modèle à suivre. Modèle à celui qui pour toi est infaillible. Maman. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, quelle humilité. Et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Dans sa vie de tous les jours, il n'avait rien fait de malhonnête. Maman. C'était un homme très puissant, qui passait son temps à la prière. Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Oh, Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Faillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Et c'est lui que j'ai pour référence. Señor, quiero ficar con você. Señor, quiero ficar con você. Oh. Quand l'Éternel élève, les diables s'élèvent. Otina makise bongai ebika chilo okomi lisumu kunene kulusu nyonso na mponga nozwa bomoi eloko nini nakopesa na yo kamata se bomoi nanga kamba oniokwa makise mpo ngai nabika chilo okomi lisumu kunene kulusu nyonso wana mponga nozwa bomoi eloko nini nakopesa na yo kamata se bomoi nanga kamba nga Yesu nzambe na bomoi osali ete ngai nabengama ya yo okangoli nga na minyololo ya satana ezipaki ngai nakomi solo molingami na yo ngai esengo elati motema ya libela kimia oyo pesala ngai mokili ekoki kobotola teo elongo oyo pesi na ngai esu tikala tatola yo tata e nzambe bika mwana bengi bomoi solo na mitiki na yo salela ngai yo salela ngai Yesu, Yesu azali na mbongo, Yesu, Yesu azali na mbongo, Yesu, Yesu azali na mbongo, Oza mongene, Yesu, Yesu azali na mbongo, Yesu, Yesu azali na mbongo, Yesu azali na mbongo, Oza mongene, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Sanjo na Yahweh, Yahweh, Oza mongene, Eto na Sanjola, oh Sanjola, manzambe nanga. pananga Ezana tina na kuembela yawe Ezana tina na komito la baba Ezana tina na ina bela kayo miracle Ezana tina na kuemba na nzembo Kumama e, zambela bete la tolo Oh kumama e, baba antela mote mananga Salué Jésus, oh salué Papa Nanga, Nabini o Maranata, Jésus revient au Kozonga, Nabini o Shaddai, le tout puissant Zambé Nanguya, Nabini o Adonai, Kofa, puissant Zambé Namawa, Jéhovah Jiré. Seigneur soit loué. On a une somme de bonheur, baby Camo. Pour le bon moyen, on a l'état de l'incolo. Alléluia. Pour le bisoba, oh, mon kili boa kaki. Et mon akim pamba. Et le bitou, ça a l'air de se souvenir. Tout ça qui a koukoufa, ya koupola. Nous te gandé, yes, ma si a yo, au moni, tina ya boumou yangaï. za milele. Daudi anasema hata wakati moyo wangu unakuwa na woga, ni kwako Mungu ninajileta, maana hakuna aliyekutumainia akapata haya. Haleluya.